J'ai fait la route, baby, j'ai fait la route. J'ai fait ma route, baby, j'ai pris ma route. J'ai pris mon chemin, parce qu'il te revenait. Plus rien à foutre, baby, plus rien à foutre. C'est le temps, mais le sang, je le mets devant. Plus je vends et revends, plus mon esprit fiche le camp. Je rêve de cran et de haine, c'est la même. C'est dommage, je t'allonge à même. C'est pas ta rap de nous la mettre. Ce qu'ils ont sur la tête, je laisse sous ma semelle. Le rap game, je laisse sous attelle. Vieille tête, t'affiche coulant sur la chaise, ouais. C'est le temps, ils finiront tous en chaise roulante. J'ai fait la route, baby, j'ai fait la route. J'ai pris la route, baby, j'ai pris ma route. J'ai pris mon chemin, j'ai presque tout le relais. Plus rien à foutre, baby, plus rien à foutre. Rafale le game à la domaine, ouais. Balle dans l'oreille, à moi le rein, ouais. J'suis pas au con, fais pas le fou, fou, fou. Toi les choses qu'elle n'est que par la mon gang, par la mon gang, par la mon gang. Ça paye, on raflerait. J'rafale le game, j'rafale le game. Numéro 10, Maradomaine. J'suis venu Nova Romaine. J'ai le son, papa d'oreille. Faut des fonds, y'a pas de zèle. Donc j'suis dans le fou, fou, fou.